C'est qui viole davantage les droits de Nathalie Yam? C'est pas seulement la France. On fait ça à Nathalie parce qu'on n'a pas de dirigeants. Parce que l'Union africaine, une organisation de vauriens, dirigée par un traître qui ne rêve que d'aller devenir président du Tchad en vendant l'Afrique aux Blancs. Mais dites-moi pourquoi les dirigeants africains se taisent quand un truc comme ça arrive. Pourquoi ils peuvent faire comprendre que le changement des rapports de force au niveau mondial commence par des choses comme ça. On ne touche pas un compatriote comme ça. Ils ne comprennent pas ça. Ce cas, c'est un cas éminemment géopolitique. Et s'en saisir, faire bouger les lignes. Bon sang. Mais qui nous dirige? Mais qui sont présents en Afrique? Ce ne sont pas des Africains. Afrique Média, le monde, c'est nous.